l'agonie, livre 3, chapitre 7. Maddie connut alors le Christos à une assemblée de la Transtévérine, dans une maison délabrée des bords du Tibre, qui, cette nuit-là, coula des eaux sanglantes sous une lune rouge d'une terrible mélancolie. Encore des fidèles orientaux y prièrent, et encore Zal, beau de son pontificat mystérieux, piqua le dessous des seins de la lame d'or pour remplir de sang la coupe d'or à laquelle chacun but. Et la confession de femme à homme, accompagnée du final baiser dans le giron. Le bramement de l'orgue hydraulique, ourlé de la délirante voix du bel Éphèbe, les attouchements devinés, les caresses et les rapprochements se firent sous les yeux de Maddée, emmenée par Zal, qui fut témoin de tout. Comme toujours, le Perse sévéra Furochaste. Leur supériorité d'âme vivait justement du contentement de la chair des autres, et ils en paraissaient plus forts et plus parfaits. Quand la promiscuité pour l'agneau fit se mêler les fidèles, en demi-nudité vautrée sur le parquet, sur les bancs, sur les marches, sous des faces de Christos recouvrant la voûte de peintures attendrissantes, où des feuillages symboliques s'envolaient en des sympathies de ciel plein de suavité, Zal et Sévéra s'en allèrent, s'échappant ainsi à des visions qui, peut-être, les eussent trop troublées, et Maddée resta seule. Ah! Ah! Un chrétien alla vers lui. Un autre lui prit le bras, d'autres doucement l'enlacèrent, le baisotèrent amoureusement aux tempes et à la nuque, aux lèvres et au col, en une ardeur que plus vibrante rendait encore la sauvagerie de l'orgue hydraulique, clamant des chants d'indéfinie volupté. Mais Maddée se débattit, ressentant une espèce d'horreur pour ses caresses qui lui rappelèrent celles d'Attilius. Et les chrétiens le lâchèrent, ne voulant pas le contraindre, car ils n'acceptaient que le don joyeusement volontaire des corps en sacrifice à Christos. Des chrétiennes, croyant qu'ils repoussaient leurs frères pour elles, le voulurent. Mais Maddée encore se déroba à leurs enlacements, qui mirent presque à nu son gracile corps et le firent se souvenir d'Attilia. Il s'enfuit alors, non sans voir les embrassements unisexuels des hommes qui, ne pouvant le posséder, se donnaient, et des femmes qui, ne l'ayant conquis, se satisfaisaient. Ainsi donc, partout le principe de la vie trouvait des adorateurs. Partout, sous des cérémonies et des rituels, il était victorieux. Ainsi donc, l'Orient qui hardiment l'érigea sur ses autels avait raison contre l'Occident, aux barbares et glacées populations. Puisque les chrétiens, qu'on aurait excepté de ces pratiques, en étaient les plus fougueux sectateurs. Et Maddée descendit le Tibre, sur le coup d'un sourd regret d'Attilius et d'Attilia. Au moins, si Attilius l'avait laissé au grand air et au soleil, il lui serait fidèle. Il lui serait resté fidèle. Il n'eût point touché à Attilia. Il n'eût point écouté les désirs de sa virilité poussés vers la femme. Il ne se fût point trompé, oui, trompé sur l'amour, confondant les sexes mâles et femelles indistinctement. Ou bien encore, demeurant avec Attilius, il eût gardé Attilia, ainsi fidèle à cet amour vivant en tout et dominant tout, à cet amour qui était la vie même, puisqu'il était créateur de vie. Qu'importait la mort, désagrégatrice de sa substance, la mort qui le stérilisait des mains, du sexe, de tous ses organes. Il eût vécu de la véritable existence dont chacun brûlait comme d'une riche huile de lampe, se consumant splendidement en clarté d'or. Il eût vécu et peut-être été, qui sait, l'androgyne, radieusement immanent, Catilius rêvait qu'il fût. Longuement, le Tibre pleurait. Ses ourlures de vagues, frangées de roues, s'abîmaient entre les soleils brouillés des rives. Les oserées qui s'aplatissaient dans la nuit et les canets qui balançaient à des vents leurs plumées en aigrettes de casque. La lune rouge, ronde et dilatée comme un œil vitreux, montait dans le ciel, que voilaient des nues gigantesques. Et ces nues, elles-mêmes rouges, groupées des cavaleries brandissant de larges glaives sur la ville, prostrées en une obscurité rayée de sang. D'autres nuages, à l'amont du fleuve, se poussaient comme des armées innombrables. Des hommes cuirassés d'or et casqués d'or, des guerriers aux boucliers bandés d'airain et guillochés de têtes de méduses auréolées de serpents. Des archers et des astères lançant des flèches et des pilums, des chars attelés de chevaux piaffant dans de l'infini, des éléphants et des chameaux ployant sous des tours et sous des bagages, des balistes, des catapultes, des onagres dressés en échafaud sinistre coulèrent furieusement, suivis d'étrangetés d'animaux venus vaguement des horizons, des courbures de terre brouillassées, des décors indécis qui faisaient des lignes de rêve par un rien évanoui. C'étaient des bœufs et des vaches étoilés au front, des ânes et des mules caparaçonnés de peaux d'hommes écorchés vifs, des licornes volantes trouant de leur tête la lune, des crocodiles affalés en des espèces de marécages au fond de bêtes qui se remueraient en une promiscuité d'ignoble chair. D'autres nuages encore crevèrent, bosselés comme des armures au lendemain d'une bataille, qui montrèrent des foules inquiétantes de musiciens et de musiciennes vêtues de robes syriennes aux longues manches, que des coups de vent déchiraient parfois pour laisser voir des sexes fraîchement mutilés, des sexes saignants, et ces musiciens et ces musiciennes jouaient des tétracordes et des heptacordes, des syrinx et des flûtes doubles et simples. Quelques-uns heurtaient des cymbales, quelques-uns soufflaient dans des cors, quelques-uns agitaient des sistres, quelques-uns frappaient des tambours, quelques-uns touchaient des orgues hydrauliques. Et tous, oui, tous, avaient une tête de mort qui secouait de faux rictus. Enfin, les derniers nuages se hissèrent jusqu'à la lune, avec des apparences de sexe coupé flottant à la dérive sur une mer de sang. Et un combat se fit entre l'invasion des sexes, qui était toute une humanité fauchée, et l'astre, rond et rouge, se mouvant lentement. Les sexes mangèrent enfin la lune, qui disparut, et les ténèbres s'épaissirent, lourdes, sur le Tibre, qui n'eut plus un reflet, et la ville s'engloutit, et l'horizon s'enfonça en un infini glacé. Madée vaga le long du fleuve, jusqu'au pont Sublicius, qu'au hasard il traversa. Un bruit de gros vomissements lui parvint. À quelques pas, la grande cloaque se soulageait de l'arôme impur, avec des efforts de femme qui accouche. Parfois, des coups de vent séparaient les nuages et la lune réapparaissait, toujours ronde et rouge. Des rues s'ouvraient avec des plaques de sang qui en faisaient comme des visages meurtris. Les eaux des fontaines publiques étaient rouges, rouges les portiques de temples sous lesquels des formes humaines se déplaçaient. Et Madée, qui fila devant ses portiques, vit rapidement des femmes aux robes soulevées se baisant. D'autres femmes s'enlaçaient aux colonnes, comme si elles eussent voulu se donner à quelque monstrueuse bête. Puis le vent cessait, les nuages remangeaient la lune, et tout redevenait noir. Et Madée avait l'extraordinaire sensation d'une ville émergeant de la nuit, où des nudités de femmes flottaient, pour retomber encore en un abîmement sans fond. Mais encore des violences de vent amenèrent la lune, et les nuages s'en allèrent, allongés en énormes gueules de crocodiles du côté du Célius, vers la vieille Espérance, sous les murailles de laquelle Madée courait. Puis ils se poussèrent, étirés extrêmement en fuseau, trouant le ciel de points noirs, vers la voie Appia, dont le morceau qui pénétrait dans la ville s'éclaira largement. La lune était moins rouge. Le ciel se mouchetait d'étoiles émeraudées et saphirées. Une espèce de vie nocturne naissait. Des bandes se montraient. Des rapprochements de sexe avaient encore lieu. Des maisons s'ouvraient brusquement, en trous de lumière brutale, au fond desquels se mouvaient des danseuses nues et des danseurs nus. Puis des impudicités éclosées, presque sous les pas de Madée, qui enjamba des corps embrassés. Il marchait très vite, entendant derrière lui des appels de gens qui lui faisaient de grands signes en mimant des attitudes obscènes. Mais il n'écoutait rien. À demi fou de cette orgie de chair partout étalée qui donnait à son organisme de terribles vibrations, ne sachant où il était et attendant le jour. Un cri de lyre surexcité, puis un rythme de flûte, puis une sonorité de sistre et encore un son de lyre qui avait des rages de passion, que mordait le rythme de la flûte, que recouvrait la sonorité du sistre, s'évadèrent, et des rires clairs, des rires de femmes cascatellières, d'une maison dont la porte, au-dessus de quelques marches, s'ouvrit, laissant voir en un carré lumineux, que rayaient verticalement des colonnes de vestibules, des êtres nus, dont la croupe et le ventre luisaient, comme sous un frottis d'or. Deux de ces êtres se retournèrent, et Madée les regarda, et Madée reconnut Sémias et Attilia, dont des hommes embrassaient les chairs polies. Elle se couchait ensuite, les cuisses ouvertes, sur des lits de nattes bas, et un emmêlement se faisait avec d'autres femmes et d'autres hommes, accourant de chambres d'où des angles blancs giclaient, pendant que, cachés, la lyre, la flûte et le sistre jouaient tour à tour. Madée resta là, pétrifiée. Une forme noire se dressa derrière Attilia qui se relevait et la couvrit d'un manteau, le même qui abrita sa nudité à la maison des carènes. Et Abara fit assez haut pour qu'il l'entendît. « Il faut rentrer, car c'est bientôt le jour, et Rome ne doit pas nous surprendre. » Sémias émergea, nu de la lumière. L'Éthiopienne l'enveloppa d'un autre manteau qu'un homme souleva par-dessous pour un furieux baiser. Elles furent bientôt dans la rue, et la lanterne de corne que portait Abara découvrit Madée, qui, n'osant s'en aller, resta muet. Attilia poussa un cri. « Ah, Madée, toi ?» Mais Madée ne répondit pas, attachant seulement sur elle son regard. Alors Attilia tourna autour de lui, comme saoul. « Madée, Madée, c'est bien sa figure, mais non ses vêtements, ni sa mitra, ni son amulette du col. » Et elle le voulut chasser, frénétiquement. « Va-t'en, va-t'en, esclave, tu n'es pas Madée, tu n'es qu'une ombre de Madée. » Mais Abara, après un moment de surprise, entraîna Attilia, la morigéna. Sa voix cassée faisait, pendant que Simias filait rapidement au loin. « Quand même ce serait Madé, tu n'avais pas à te faire connaître. Si ça avait été lui, il te l'eût dit. D'ailleurs, il est mort, et tu as bien fait de songer à d'autres. Maintenant, tu t'amuses, tu jouis, et nul ne t'en empêche. Qui sait si bientôt la chose sera encore aisée ?» Semias se retourna, et Madé entendit d'elle, faiblement, « Il ne nous reste que cela, usons-en. » Usons-en. Tel était donc, par la bouche de Semias, le cri du monde ou chrétien ou polythéiste. Usons-en. Ce mot expliquait tout à Madé, en sa brutale philosophie. Il s'en alla, sans plus d'amour pour Attilia, mais avec son regret toujours renaissant d'Attilius, qu'il ne répugnait plus à revoir. Ah, s'il le voulait recevoir, combien il lui répéterait le mot de Semias. Usons-en, usons-en, pour mourir ensuite, puisque loin ou près d'Attilius il devait mourir. Il marcha longtemps, cherchant dans l'enveloppement lunaire d'où saillaient les quartiers romains, la petite rue sur laquelle s'ouvrait, au carène, la maison quittée. Et, comme si un vent l'y eût poussé, il se trouva devant sa porte. « Janitor, janitor !» Elle s'ouvrit, et le janitor parut. Hey, « Hé, toi, mon fils, Madé, ce qu'est l'aventure ?» Et il ne savait que dire en sa surprise. Mais Madé défaillait. Il le prit dans ses bras, le porta dans sa loge, parlant bas. « Cache-toi encore, car il est à peine rétabli, et ta présence pourrait l'incommoder. Ce n'est pas qu'il ne veuille te revoir, si j'en juge par ce qu'il dit à ton Julius, son médecin, qui me demanda ce que tu lui étais, toi, Madé. » L'affranchi restait silencieux en écoutant le janitor. Il fit enfin. Attilia l'a abandonné, est-ce pas? Par avance heureux qu'Attilia, qui, la nuit, dans les lupanars romains, se donnait aux hommes, eût oublié son frère. Et c'est ce que lui affirma le janitor. Attilia, oui, elle vint d'abord, moins fréquemment ensuite, fort peu maintenant. Il est vrai qu'Attilius s'est refusé à la revoir, l'accusant de t'avoir perdu. L'accusant de t'avoir perdu? Madé se fit répéter, légèrement ravie de cette ténacité d'amour. Sa première défaillance s'évanouissait peu à peu sous un souffle de consolation. Mais le janitor, qui le vit pauvrement habillé, s'indigna. « Et quoi? Qu'as-tu fait depuis? On dirait de toi un esclave d'Ergastule. » S'il te voyait, il aurait plus de pitié que de colère, et plus de colère que d'amour. Il le força à se revêtir d'une autre toge taillée dans une grande étoffe égyptienne aux voyantes raies bleues et vertes, coupées de zigzags. Puis il lui remit ses anciennes sandales, le coiffa d'un bonnet de laine blanche, lui chargea les bras d'un paquet de vêtements propres. Madé se laissait faire, malgré qu'une douleur le prit à se savoir encore éloigné d'Attilius, qu'à la fois il désirait et craignait de revoir. Encore quelques jours et tu frapperas ici. Je voudrais bien t'aller voir chez Gaël, mais tu le sais, Attilius m'enchaînerait comme les autres janitors s'il s'apercevait que j'ai quitté un instant la maison dont je suis le gardien. Il lui montra une chaîne fixée à la muraille de sa loge, juste assez longue pour permettre à son captif l'accès de la porte du dehors. Elle avait servi à un autre janitor, qui laissa là des souvenirs de sa triste vie. Des têtes d'ibis taillées dans du bois, patiemment. Des rondes boucliers découpées dans des écorces de courge. Des figules de manteau tressées avec des os de poisson légèrement gravés. Des objets d'art barbare dont la fabrication lente charma ses loisirs. Et le janitor vivant, avec un léger tremblement, Tu le vois, je ne suis point aise de fabriquer pour me distraire des têtes d'ibis, des ronds de boucliers et des figules de manteaux. Car pourrais-je faire autrement, si Attilus m'enchaînait comme son prédécesseur enchaîna mon prédécesseur? Il est le maître et je suis son esclave. » Madée se trouva dans la rue, qui s'éclairait peu à peu de jour rouge. Au bas du ciel, un soleil virait, pareil à un disque saigneux, et des nuages s'empourpraient, comme les quartiers de viande d'un étal. Rome, émergeant de cette aube qui la lustrait odieusement, paraissait ainsi plus sinistre. Les grandes mélancolies de Madée le reprirent jusque chez Gaël, sifflant paisiblement sa mélopée syrienne au bruit de son tour toujours en rotation, d'où des argiles roses s'évasaient délicatement en vases pareils à des lyres et à des cœurs, que Gangus ne cessait de peindre et Lixio ornait d'anses en pattes et en coups d'animaux.